cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. فنبدا في هذا اليوم باذن الله عز وجل في هذه الدروس. On commence aujourd'hui ensemble باذن الله عز وجل la reprise des cours. Avant Ramadan, on avait fini ensemble بتوفيق الله عز وجل les cours sur التوحيد avec l'explication de Kashfish Shubuhat, Walillahi Alhamd, Walminna. Et à partir d'aujourd'hui, wa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq wa sadad, on commence hadhihi ad-durus fi al-aqida as-sahiha. On commence une série de cours sur l'explication de la croyance des salaf. ولله الحمد وطلب العلم الشرعي étudier هذا العلم علم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est une ni'ma عظيمة خاصة à notre époque أن كثيرا من الناس ils se sont écartés de هذا العلم النافع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, que ce soit un homme ou une femme, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite هذا العلم. Donner du temps pour apprendre son din, خاصة علم المعتقد والتوحيد. C'est une ni'ma azima. Et on doit daiman se rappeler hadha al-fadl. Combien de gens ils sont privés ou ils ont été privés à cause de leur dhunub. Et nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiya wa tawba. Lakin ba'd an-nas ils font pas d'effort. Wa hurimu, ils ont été privés de hadha al-khayr. أنت أخي الكريم احمد الله عز وجل. Si tu aimes هذا العلم et si tu as l'intention de faire des efforts pour étudier, pour mémoriser, pour réviser, pour propager هذا العلم, c'est un énorme bienfait. بل c'est طريق الجنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui fait des efforts pour emprunter une voie, un chemin, pour apprendre un علم. والمراد هنا بالعلم c'est العلم الشرعي أي le Coran et la Sunna. فالله سبحانه وتعالى lui facilite un chemin pour الجنة. Donc, هذا العلم, c'est طريق الجنة, هذه الجنة qu'on espère tous. Chaque mu'min, il fait des efforts pour pouvoir rentrer à الجنة. يوم القيامة, الطريق, c'est العلم. Le chemin qui mène à هذه الجنة, au paradis, c'est هذا العلم. Et bien sûr, العلم, بالقرآن والسنة, comme on l'a cité, et on en précise wal'amal bih wa illa fa 'ilmun sans amal fa c'est une hujja ala sahibih, c'est contre la personne même si il fait beaucoup d'efforts, même s'il a beaucoup de ilm, il a des connaissances, lakin si c'est pas mis en pratique ayadan billah fa ça devient une hujja, ça devient contre lui, un argument contre lui yawm al-qiyam. Wa min a'zam al-'ulum وأنفع العلوم وأوجب العلوم. Parmi les sciences les plus importantes, les plus obligatoires, et on est tous concernés. بهذا c'est علم ودراسة هذه العقيدة الصحيحة. Et c'est l'apprentissage, l'étude de la croyance des salafs. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين أما بعد فإن أول ما يتنافس أو يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده. Ça c'est le plus important. أول ما يتنافس فيه المتنافسون أي celui qui veut se concurrencer dans les bonnes œuvres, faire des efforts, qu'il commence par هذا العلم العظيم. قال كفيلا ومعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة دليلا وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما. C'est dans ça qu'on doit faire beaucoup d'efforts. C'est dans ça qu'on doit placer notre énergie en priorité, essentiellement. C'est les clés de la réussite. Et chacun de nous, il veut réussir. Fait dunya. Et encore plus, fait l'akhira. On veut tous la réussite pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos amis. La clé de cette réussite, akhil kareem, c'est al-ilm, al-nafi' ou al-amal al-salih. وتأمل قول هذا الإمام رحمه الله أنه إلى بخسيزي إلى قيد هذا العلم بالنافع. Ça, ça nous montre qu'il y a des علوم, ils sont pas nafi'. Il y a des sciences, elles sont pas utiles. Ça fait beaucoup de mal. Donc le ilm, c'est pas n'importe quel ilm. C'est al-ilm, al-nafi' et qui te sera utile في الدنيا et في الآخرة. كذلك العمل. Il l'a précisé, c'est pas n'importe quel amal. Comme il y en a, ils font beaucoup d'œuvres et leurs œuvres ne sont pas acceptées. Ou leurs œuvres, ça devient yadam billah, un fardeau qu'ils porteront yawm al-qiyamah. Al-amal qui est la clé de la réussite, et les œuvres qui te seront utiles, c'est l'amal salih. Et un amal qui est fondé sur la sincérité et sur le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Qala الذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. Pas de réussite, السعادة, et pas de نجاة. النجاة c'est être sauvé بإذن الله عز وجل qu'avec ces deux points, qu'avec ces deux provisions. أخي الكريم, العلم النافع والعمل الصالح. قال فمن رزقهما فقد فاز وغنم وَمَنْ حُرِمَهُمَا فَالْخَيْرُ كُلُّهُ حُرِمَ. Celui qui fait des efforts pour parvenir à avancer dans son din et avoir du ilm, خاصةً au départ, al-ilm al-wajib, les choses qui sont obligatoires, la croyance, le tawhid, comment faire salat ila akhiri, et il met en application, فَهَذَا قَدْ فَازَ. هذا il aura réussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour cela. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah nous a créé que pour l'adorer. Et l'adoration, c'est ça l'amal salih. Et cette adoration, pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, la chaque il faut l'autre clé, l'ilm. Il y en a comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, observer les commandements, s'écarter des interdits, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ignorance, c'est pas possible. فَلَابُدْ مِنْ عِلْمٍ وَعَمَلٍ. Et العلم والعمل, c'est deux choses qui vont ensemble et qui sont indissociables. قال رحمه الله وَهُمَا مَوْرِدِ انْقِسَامِ الْعِبَادِ إِلَى مَرْحُومٍ وَمَحْرُومٍ. Deux mots qui se ressemblent. Ces deux alphas, dans la prononciation, ils se ressemblent. مَرْحُوم وَمَحْرُوم. Il y a deux lettres qui ont été inversées. Et en fait, c'est deux opposés. Al-marhoum, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde. Ça vient du mot rahma. Marhoum, à la wazn maf'oul. Et l'autre mot, mahroum, ça vient du mot, vous connaissez le mot haram. Et fulan hurim al-khayr, il a été privé. Enfin, le premier, ça vient de rahma, et le deuxième, ça vient de le fait d'être privé. Enfin, comment différencier ces deux mots qui sont très très proches dans la construction, dans les lettres, dans la prononciation. Celui qui fait des efforts fait l'ilm ou l'amal, inshallah marhumun. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira les portes. Et c'est la voie du paradis comme ataqaddam. Et celui qui s'écarte de ces deux choses, al-ilm wa al-amal, fa mahroumun, il sera privé. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé had al-abd que pour ces deux points. Et par rapport à ces deux points, la science et la mise en application, on sera jugé. Qala rahimahullah, wa bihima yatamayyaz al-bar min al-fajir. C'est quoi la différence entre le bar? Al-bar, ça vient de al-bir. Ça ressemble au mot taqwa. On aurait pu remplacer huna par at-taqi. Et al-fajr, ça vient de al-fujur. Hey, comment différencier entre le bon et le mauvais? Celui qui fait des efforts de son, dans son din et celui qui n'en fait pas? Avec ces deux points. On ne différencie pas, nahnu fil islam wa lillahi alhamd, par rapport à la couleur, ou par rapport à la taille, ou par rapport au poids, ou par rapport aux origines. Abadan. Inna akramakum indallah atqakum. Le meilleur indallah, c'est le plus pieux. Et la piété s'est fondée sur l'ilm ou l'amal. Qala rahimahullah, wa taqi min al-ghawi. Ça ressemble à qawluhu rahimahullah, al-bar wal-fajr. Qala wa al-zalim min al-madloum. Nous, on a souvent une conception du dhulm que l'injustice des gens entre eux. Matalan, fulan, il s'est fait frapper, fulan, il s'est fait insulter, fulan, il s'est fait voler. Lâche que c'est de l'injustice. Là qu'il y a un volume encore plus important et plus grave. Vous connaissez tous, walillahi alhamd, qawlullah azza wa jalla, inna shirka la dhulmun azim. C'est une énorme injustice. Limada, si tu fais le lien avec le verset qu'on a cité précédemment, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tu comprendras cette injustice. Anna Allah azza wa jalla, c'est le khaliq, c'est lui qui a créé toutes les créatures, c'est lui qui leur donne, c'est lui qui les guide. Il a akhiré et tu trouves min al-nas, ils adorent autre qu'Allah. C'est du zulm. Kazalik min al-zulm, Allah Azza wa Jal, il a créé l'insan pour l'adorer. Et hada l'insan, il fait aucun effort dans l'adoration. Il fait aucun effort pour apprendre. Alors que quand c'est pour ses intérêts personnels, beaucoup de gens, ils font beaucoup d'efforts. Pour manger, pour travailler, pour se faire plaisir. Ils font des efforts. Lakin, pour appliquer, pour remplir cette mission, le but pour lequel ils ont été créés, fa tu trouves katirun min an-nas, ils font pas d'efforts du tout, ou ils font pas beaucoup d'efforts. Fa li hadha, c'est du zulm. Qala rahimahullah, qala wa lamma kana al-ilm lil-amal qarinan wa shafi'an. C'est ce qu'on a cité, anna al-ilm wa al-amal qarinan, ils vont ensemble. C'est comme deux frères jumeaux inséparables. C'est comme deux choses, tu peux pas les séparer. Ilmun ou amal. Quand ils sont séparés, ça fait que du mal. Ilmun sans amal, iyadun billah, c'est la porte ouverte à l'ostentation. Vouloir se montrer. Il a akhiré. Amalun bila ilm, c'est la porte ouverte à l'ignorance, à l'égarement. Il a akhiré. Falihada, Allah subhanahu wa ta'ala, ghadib ala al-yahoud. غير المغضوب عليهم اليهود. Ils ont du ilm, ils ont des connaissances, ils mettent en application. غير المغضوب عليهم ولا الضالين النصارى. Hey, ils font des efforts pour l'ibada, mais c'est des ignorants. Enfin, ils ont inventé, ils ont perdu leur dîne et ils se sont égarés. Et tous ceux qui ressemblent à un de ces groupes dans ce point, il a une part. Il est concerné par ce verset, voilà, ou partiellement. Enfin, celui qui a du ilm et qui ne met pas en application, fayukhsha alayhi. An Allah subhanahu wa ta'ala yaghdab alayhi. Et celui qui ne met pas en application. Pourquoi il a pris si c'est pour ne pas mettre en application? Ça ouvre une porte de chaud. Donc, si il a appris et ne met pas en application, ça veut dire que c'est pour se montrer. Ça veut dire que Rabbama ayyadun billah, c'est devenu une passion. Et ceux qui font des adorations, là, qui ne font pas des efforts, fil-ilm, mais ils inventent. Et ils ajoutent des choses, ils enlèvent des choses. Fakadalik, ils ont une part de ce verset. Ay min hayt al-dalal wa al-dallin, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans ilm. Qala rahimahullah wa sharafuhu li sharaf ma'lum. Et à partir de là, ça nous concerne directement par rapport à notre dars sur l'aqida. Sharaful ilm, C'est par rapport au sharaf du ma'loum. Le sharaf, c'est l'importance, la manzila, la place, le rang. Fa-mathalan, celui qui apprend la langue arabe, falhamdulillah, c'est un ilm très très important. L'imam, la langue arabe, c'est la langue du Coran, c'est la langue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a akhiré. Donc, c'est pas comme apprendre une autre langue. Celui qui fait des efforts pour apprendre al-aqidah, c'est a'zam al-ulum. Limadha? Li'anna, le premier point que tu vas étudier, akhil karim fil aqidah, c'est al-imanu billah. Ma'rifatullahi azza wa jal. Fa sharaf al-ilm, c'est par rapport à sharaf al-ma'lum. Fa celui qui veut apprendre cette aqidah, il veut apprendre les noms d'Allah azza wa jal, ses attributs, pour pouvoir mettre en application, pour pouvoir craindre Allah akthar, hada la shak annahu sa'anfa' al-ulum. C'est la science la plus bénéfique, la plus importante. Falihada qala al-imam al-qayyim rahimahullah, kana ashraf al-ulum ala al-itlaq ilm at-tawhid wa anfa'uha ilm ahkam af'al al-ibad. Deux points. Afdal et anfa' al-ulum, la shak, c'est ilm التوحيد والعقيدة كما تقدم c'est la base de notre din دعوة جميع الرسل ils ont commencé par هذا العلم العظيم التوحيد والعقيدة إلى آخر وكذلك من أنفع العلوم علم أفعال العبيد et tout ce qui est lié aux adorations que tu dois accomplir الطهارة comment faire les ablutions comment faire salat comment faire siyam comment sortir la zakat comment faire le hajj إلى آخر enfin, tu as ces deux points علم التوحيد والعقيدة علم العبادات كذلك المعاملة العلماء الست عليك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله انتهى كلام ابن القيم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم أفضل العلم العلم بالله وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته. Ça c'est le ilm le plus important. أفضل العلم. La science la plus importante c'est العلم بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلقنا جميعا. Il nous a tous créés. Il nous a ordonné des choses. Il nous a interdit certaines choses. Enfin, celui qui fait des efforts pour avoir du ilm, des connaissances, fi ma'rifati al-khaliq subhanahu wa ta'ala, je sais que ça va lui ouvrir les portes pour tout le reste. Enfin, là, tu trouves celui qui a fait beaucoup d'efforts fi l'aqida, et qui est sincère, et qui met en application, enfin, tout le reste, ça viendra. Et fi l'muqabil, ceux qui ne font pas d'efforts fi l'aqida, et robama yurakizun ala al-akhlaq, il parle que du bon comportement, que la langue arabe il a akhiré. Tu trouves une petite chose à hiyanan, ils n'arrivent pas à l'accomplir. Un péché très très grave, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. L'imada, l'anna, le cœur, il n'est pas prêt à accepter les obligations et à s'interdire des interdictions. Comment renforcer ce cœur? Tu ne peux pas le renforcer avec le sport. Tu ne peux pas le renforcer avec al-qil ou al-qal. Avec des paroles futiles, tu peux le renforcer qu'avec هذا العلم. C'est pour ça que الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا, ils ont commencé par ce point. تأمل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام, أنه il a éduqué الصحابة رضي الله عنهم des années avec هذا العلم النافع التوحيد والعقيدة, حتى ils ont été ولله الحمد très très forts dans leur دين. Ils avaient un iman قوي. Tout ce qui est venu après, ils l'ont accepté très facilement. Al-Hijra, Al-Jihad, قبل ذلك الصلاة, كذلك ما يتعلق بالولاء والبراء, aimer leurs frères, ils se sont pardonnés, même ce qui s'était passé avant entre tribus. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tout annulé. Plus personne n'a de compte à rendre à personne dans ce qui est passé. Et les combats qu'il y avait eu entre certaines tribus, là, ils sont rentrés vers l'islam, c'est tous devenus des frères. Tu as déjà pensé comment ils ont fait pour tous se pardonner. Hakada, très vite. Al-Aqida. Les cœurs, ils ont été purifiés. Bi-idhnillahi azza wa jal. Al-Hijra, il faut changer de région. Mecca, cette ville où ils ont grandi, ils avaient leurs habitudes, ils avaient de la famille, ils avaient leur maison, ils avaient leur commerce. النبي صلى الله عليه وسلم leur ordonne de faire l'hijra, du jour au lendemain, ils font l'hijra. رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأن le cœur, il était prêt. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ordonné d'accomplir al-siyam, ils ont tous fait al-siyam. Al-hajj, ils ont fait al-hajj. Al-zakat, ils ont sorti la zakat. Pourquoi nous, on a beaucoup de faiblesses dans certains de ces points qu'on vient de citer? لماذا؟ لأن on a des faiblesses في هذا الباب, باب العقيدة والتوحيد. C'est pour ça que le musulman, au départ, il doit se corriger avec ses durus, avec de la lecture fil aqida, en revenant à Ahlul Ilm, bi hadha al-bab. A'zamu min dhalik, anna as-sahaba radiyallahu anhum, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné de faire le jihad, ils ont fait le jihad. Alors que le jihad, c'est difficile pour le nafs. Kutiba alaykum al-qital, wa huwa kurhun lakum. C'est difficile le combat ila akhari. Ma'a hadha, tu trouves بعض الصحابة رضي الله عنهم avec plaisir. Et بعض هم, ils se précipitaient pour atteindre le niveau de الشهداء et mourir في سبيل الله. C'est quoi qui les a poussés à هذا? Ne plus avoir peur de la mort. Préférer mourir في سبيل الله que de rester en vie. C'est quoi qui leur a fait atteindre ce niveau? بعد توفيق الله عز وجل, Allah les a choisis, les a guidés. C'est هذا العلم. Pourquoi nous, أحيانا, on a du mal à faire des concessions sur dunya et on fait des concessions sur notre din ahyana? Il y en a, le cœur, il n'est pas prêt. Physiquement, peut-être que certains d'entre nous, ils étaient plus en forme que certains sahaba radiyallahu anhu. Peut-être que certains d'entre nous, ils avaient plus de quwwa. Lakin, c'est pas ça. Fi dinillah, c'est pas le physique, c'est le cœur. C'est pour ça que tu trouves ba'd as-sahaba radiyallahu anhum aveugles et ils font le jihad. Aveugles, ils veulent faire le jihad. Tu trouves ba'd as-sahaba radiyallahu anhum qu'Ibn Umar, très jeune, il voulait faire le jihad. Il n'avait pas encore atteint l'âge de le boulour. 12 ans, 13 ans. Et il s'est présenté. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a refusé à Uhud. C'est quoi qui a poussé Abdullah ibn Umar alors qu'il est enfant? Radiyallahu anhuma. C'est l'éducation de son père, c'est l'éducation de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est هذه العلوم. قال رحمه الله, on revient à la parole de l'Hafid ibn Rajab. قال وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر عليه والرضا عنه والانشغال به دون خلقه. أي هذا العبد سير قوي العقيدة سيتوكل على الله. Il aura plus peur des عباد. Si on prend le domaine de la hijra, سير قوي العقيدة قوي الإيمان, il sait que c'est بيد الله. C'est Allah qui lui a ordonné, c'est Allah qui va lui faciliter, il توكل على الله. Il sait que si son enfant il doit tomber malade, c'est biadillah. Il sait que si son enfant il doit guérir, c'est biadillah. Ça ne le repoussera pas pour faire le hijra. Mais nous, vu qu'on a un ta'alluq dhaif, et on fait passer des choses de dunya avant des points de notre din, la première chose qu'on va penser, s'il tombe malade, les hôpitaux, il a akhir. Et ça nous freine. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala karimun, il nous a ordonné le hijra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-alim, c'est le khabir. Il connaît très bien, il a toujours tout su, azza wa jal. Il n'y a rien qui l'ignore, subhanahu wa ta'ala, que l'état des pays musulmans, c'est moins pauvre que certains pays, c'est moins riche plutôt que certains pays kuffar et l'akhirim. Mais al-alim, il nous a ordonné la hijra. Ça serait un mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous l'aura pas ordonné. La même chose pour le jihad, la même chose pour tout. Tout est lié au cœur. Donc la question qu'on doit se poser, comment faire pour que ce cœur il soit fort? Ne cherche pas mille réponses. Après tawfiq Allah et la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, les efforts fi ilm al-tawhid wa al-aqidah. Comme il y en a, ils donnent beaucoup de temps pour leur physique, pour leur corps. Ils font du sport, ils l'aqidah. Pourquoi? Pour être en bonne santé. Wardanes, ils exagèrent. Mettez-les dans la nourriture. Il ne faut pas manger telle chose, il faut manger telle chose. Et ils perdent du temps vihal. Et le sport, la nourriture, il y a du khayl, lakin sans dépasser les limites, il ne faut pas que ça devienne la priorité. Lakin si toutes nos journées c'est fihada, le sport, il faut manger, les régimes, les recherches, il a akhali, et on oublie notre cœur, famada. Tu auras un corps, mathalan, qui est en bonne santé, lakin tu auras ton cœur malade. Le corps, il sera enterré. Et ce qui sera utile quand tu seras enterré, c'est hada al-qalb, avec les œuvres que tu as faites. Ton cœur, tes œuvres. Tout ça c'est fondé sur al-ilm wa al-amal. قال رحمه الله والرضا عنه والانشغال به دون خلقه. كذلك celui qui a une aqida qawiya, il sera plus impressionné par les ennemis d'Allah azza wa jalla. Ou il n'aura plus peur des ennemis du Coran et de la Sunna. Ou un il veut t'effrayer, t'es un kada, ou il te met de la pression. Tu feras plus attention. Tu sais quel omour c'est biadillah. C'est un bachar comme toi, et Rabbama il est aussi faible que toi. Qu'est-ce qu'il va te donner, qu'est-ce qu'il va t'enlever? Le haqiqa c'est un shaitan. C'est un shaitan qui essaie de nous faire peur pour nous écarter. فَالْعِنَايَ بِهَذَا الْعِلْمِ الْعَظِيمِ فَلْنَعْتَنِي جَمِيعًا. On doit tous faire des efforts. في ماذا؟ في دراسة هذه العقيدة السلفية العظيمة. C'est la clé pour notre réussite. لا تغتر بقول بعض الظلم. Ils essayent de faire croire que la faiblesse des musulmans c'est à cause de telle chose. Notre faiblesse c'est par rapport à notre éloignement de cette croyance. Notre force c'est en apprenant cette croyance et en la mettant en application. La règle. On doit tous faire des efforts. C'est Adam Zad. Zad, c'est les provisions. Chacun de nous, il est considéré comme voyageur. On est des voyageurs, depuis que tu es né, tu es en voyage. Tu traverses des étapes, l'enfance, Soma, l'adolescence, Soma, tu deviens un adulte. Et des étapes, tu travailles, tu tombes malade, tu te déplaces, tu déménages, il a akhiré. À la fin de ce voyage, ça sera ta mort. Soma, après ta mort, un autre voyage. La tombe, la résurrection, il a appelé jusqu'à la demeure finale, al-Jannah ou al-Nar. Et certains mu'minoun, rubbama, ils passeront par la demeure de Nar, l'enfer, pour se purifier de leurs péchés. Soma, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fera rentrer fil Jannah. Lakin min hayth al-khuloud, l'éternité, il y a deux demeures, al-Jannah ou al-Nar. Enfin, toutes ces étapes de ta naissance jusqu'à la demeure finale, le paradis ou l'enfer, tu es en voyage. Et chaque voyage, tu as besoin de provisions. Fait dunya matelan, tu as besoin de provisions, tu as besoin d'eau, tu as besoin de nourriture, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un moyen de transport, il a akhiré. Fait al-qabr, c'est autre chose. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de nourriture. C'était amal. Quand tu seras ressuscité, kadhalik. Enfin, Adam Zad, la provision la plus importante que chacun de nous on aura besoin et on a besoin, c'est Suluk Sabil As-Salaf As-Salihin. C'est suivre le chemin des Salaf, bien sûr, fait l'Aqida, fait le Tawhid et dans tous les autres points de notre Din. Et celui qui veut An-Najat, fait Darain, qu'il fasse des efforts fi hada zat, cette provision. Comme qala azza wa jal wa tazawwadu fa inna khayra az-zad at-taqwa. Tazawwadu, prenez des provisions. Ça nous montre faire les asbab. Hatta fi ad-dunya, on doit prendre des provisions. Celui qui veut faire le hajj, celui qui veut faire le hijra ila akhirah. Thumma qala azza wa jal fa inna khayra az-zad. C'est un rappel. N'oublie pas que la chose la plus importante, la provision la plus importante pour ton voyage, c'est at-taqwa. Sans négliger bien sûr les causes. Qala al-imam Abd al-Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala fal-hasil annahu yajib wujuban 'aziman wa wujuban mu'akkadan an yu'tana bil-'aqida wa liy'tani al-'ulama fi idahiha lin-nas min 'amma wa khassa. Wujuban عظيما ووجوبا مؤكدا هكذا الامام ابن باز رحمه الله il a qualifié هذا الوجوب. Il a pas dit فقط c'est obligatoire. Là il a dit c'est obligatoire, un wujub azim, c'est une obligation énorme pour chacun de nous. ثم il a encore renforcé sa parole, قال وجوبا مؤكدا. On ne doit pas oublier ces choses, on ne doit pas être distrait par des choses qui vont nous éloigner de هذه العقيدة العظيمة. قال وليعتني العلماء في إيضاحها للناس من عامة وخاصة. Ceux qui propagent le plus cette aqida et l'obligation elle est énorme pour eux, c'est al-ulama. ولله الحمد, les ulama de la sunna, nuit et jour, dans tous les endroits, ils font des efforts pour propager l'aqida. Et كذلك طلبات العلم, ils ont un rôle à jouer في هذا. Ils doivent propager كذلك العقيدة. Mais tous ceux qui apprennent cette aqida, ils doivent faire des efforts pour la transmettre à leurs proches, à leurs voisins, à leurs amis. قال وأن تكون الدروس غالبا تعتني بها مع العناية بالأخلاق والأحكام الأخرى. الحقيقة, il a résumé المنهجية في طلب العلم. Il a résumé qu'est-ce que tu, si tu veux apprendre ton dîn, qu'est-ce que tu dois faire. La base, ou al-inaya, al-kubra, la plupart de tes efforts, ça doit être dans al-tawhid ou al-aqidah. C'est la base de ton dîn. Sans négliger, bien sûr, al-akhlaq et al-ahkam. Al-akhlaq, c'est tout ce qui est lié au bon comportement. Et al-ahkam, c'est tout ce qui est lié au fiqh. الطهارة والصلاة والصيام إلى آخره. في الحقيقة العلم سيسي تخوا شود. علم التوحيد والعقيدة. علم الفقه. Et علم الأخلاق. Les bons comportements. Et tu as besoin d'outils pour comprendre. Tu as besoin de langue arabe. Tu as besoin de certaines قواعد في الأصول. في باب الأسماء والصفات. Tu as besoin de قواعد في الحديث. Tout ça c'est من العلم. Ça va t'aider à comprendre la base. لكن on doit bien faire attention. Ne pas oublier c'est quoi la priorité. لماذا لأن بعض الناس ils se sont perdus في العلم. لماذا لأن ils ont oublié c'était quoi la priorité. Tu trouves بعض الناس سنين en langue arabe. حتى ils ont atteint un bon niveau en langue arabe. بل ربما ils ont appris des choses qui ne sont pas utiles. Des divergences entre savants de la langue arabe, de la grammaire et la arabe. في الحقيقة ignorer ces choses ça ne te fera aucun mal à ton dîn. Lakin, hum, tellement qu'ils ont fait des efforts vihada, ça les a poussés à négliger la base. Enfin, tu trouves, bardoum, ils ont un très haut niveau en langue arabe, et ils ne connaissent pas sa aqida. Rubama, c'est un ash'ari. Rubama, c'est un soufi. Rubama, ta'athra bi al-rawafid al-zanadika. Ma'annahu, il a un haut niveau en langue arabe. C'est pas ça l'ilm. L'ilm, c'est pas pour se montrer, j'ai un doctorat en langue arabe. J'ai fait tant d'études, j'ai un diplôme, je suis imam. C'est pas ça l'ilm. Aïn des salaf, c'était pas ça. Là, l'ilm, c'est une adoration. C'est fondé sur l'ikhlas. Enfin, celui qui apprend l'ilm pour se montrer des autres, il courra qu'après les diplômes, qu'après les années. Pour se montrer, celui qui apprend hada l'ilm lillah, il avancera comme les salaf, ils ont avancé. Kadhalik al-ba'd, peut-être qu'ils mettent toute leur force dans la mémorisation. يحفظ كذا وكذا il apprend beaucoup de choses par cœur لكن il a aucune inaya bi al-tawhid wal-aqida. La mémorisation c'est طيب بل c'est un des piliers de la science لكن on ne doit pas négliger la priorité. فحفظ خاصة القرآن الكريم وشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا et c'est plus important al-inaya bi al-tawhid wal-aqida. لماذا لأن الله t'a créé que pour ça أخي الكريم. Celui qui meurt et qui n'a pas appris maintenant tel livre, tel maître par cœur, fait le haqiqa, il n'a pas commis une mukhalafa. Mais celui qui meurt et il ne connaît pas ma'na la ilaha illallah. Ou il meurt et il ne connaît pas sa aqida. Ou il meurt et il pense qu'Allah il était partout. Ou il meurt et il pense que demander aux awliya, aux morts, ce n'est pas du shirk. Iyadam billah. Tout ça c'est grave. Rubama, il perd tout yawm al-qiyama. Ah bah tu peux trouver un ami. Il n'a pas beaucoup d'ilm, ou il n'a pas d'ilm, il n'a pas de hifd il a akhiré. Lakin, il a donné un peu d'importance à hadil umur. Il est mort à la tawhid et à la aqidat salaf. Il est à la khayr azim. On doit faire attention de ne pas mélanger les choses. فلهذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله وأن تكون الدروس غالبا تعتني بها. La plupart de nos efforts, de nos durus, même le hifd, ça doit être par rapport à hada tawhid et hadihi al-aqidah. قال بها مع العناية بالأخلاق والأحكام sans négliger لأن on a un autre problème أن البعض ربما ils font des efforts في علم التوحيد والعقيدة لكن ils négligent d'autres choses, ils négligent le fiqh, ils négligent les bons comportements et l'akhiri. فهذا là on donne de l'importance aux deux et le plus important bien sûr c'est علم العقيدة. قال لا يهمل هذا ولا هذا ولكن تكون العناية الكبرى بالعقيدة. On ne doit pas délaisser al-fiqh ou la langue arabe ou le hifd, et كذلك on ne doit pas délaisser al-ilm al-aqida. Lakin le plus important et nos efforts akthar ça doit être fi al-ilm al-tawhid. Wa'lam akhi al-karim anna al-inhiraf 'an al-aqida as-sahiha lahu asbab. Pourquoi khassatan à notre époque certaines personnes elles se sont écartées de cette aqida, aqida as-salaf, la croyance des salaf. بل بعضهم عيادا بالله لا كومبات. Pourquoi? Il y a des asbab. ذكرها العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه النفيس عقيدة التوحيد. Il a un livre مختصر في العقيدة عقيدة التوحيد. Et il a résumé la croyance et il a cité في المقدمة des points importants qu'on doit tous connaître qui poussent l'insan Ayyad Ambila a s'écarté de la croyance, des salaf, la croyance authentique. On résume ces points, qala al-awwal al-jahl bil-aqidati s-sahiha. Ignorer cette aqida. Sahih, celui qui ignore une chose, il va la contredire. Limadha lianna, il ne sait pas. Qala bisabab al-i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha aw qillat al-ihtimam wa al-inayah biha. Imma ayyad Ambila i'rad, al-i'rad c'est se détourner, il ne veut pas l'apprendre. C'est très très grave. Ou, qillat l'ihtimam. Ou, il ne donne pas assez d'importance. Il est firafla, il est ailleurs, il est occupé. Dans ces deux cas, et al-i'rad se détourner, bien sûr, c'est plus grave, mais dans les deux cas, ça peut pousser l'insan à ignorer cette aqida et la contredire. Fal-mahdhar, on fait attention à ces deux points. Al-inshighal bid-dunya, s'occuper avec dunya, laylan wa nahara, et ne plus donner de temps au ilm, khasatan ilm al-aqida, être toujours occupé, toujours dans la polémique, toujours dans les voyages, toujours dans le commerce, toujours dans les projets, et ne donner aucun temps à hadha al-ilm, le cœur de cette personne, il va durcir, et al-fitan, elles le prendront, et beaucoup de choses, il ne comprendra plus. Et son tawakkul, il va faiblir. Vu qu'il est attiré que par dunya, sa vision des choses, ça sera avec dunya. Si tu parles de hijra, ça sera par rapport à dunya. Si tu parles de voyage, ça sera par rapport à dunya. Si tu parles des enfants, ça sera par rapport à dunya. Et ça, c'est très très grave. On fait attention à dunya. Tant que c'est halal et ça ne contredit pas notre din, c'est halal. Lakin, chaque chose a sa place. Fais attention que Shaitan ne t'ouvre pas les portes du halal pour t'écarter de ton din. Thumma les concessions, la salat elle est plus faite à l'heure, plus d'ilm, son cœur il devient malade et il se fait beaucoup de mal. La deuxième chose qu'on peut tirer de ce premier point, at-takhabbut fi talab al-ilm. Limadha? Li'anna al-ba'd, ils veulent faire des efforts fi al-ilm, lakin de la mauvaise manière, et ils apprennent pas l'aqida. Comme on l'a dit, ba'dhum c'est que la langue arabe, ba'dhum c'est que la mémorisation, ba'dhum ils se mélangent, ils n'ont pas de priorité. Il a après, enfin, au bout d'un certain temps, il ne connaît pas sa aqida. Enfin, il est ignorant dans ce point. Et ça peut lui causer beaucoup de tort. Le premier point, on le répète, al-jahlu bil-aqida, ignorer sa croyance. Et on a cité quelques exemples qu'on a tirés de la parole de Cheikh Fawzan Hamidallah. Deuxième point, at-ta'assub lima alayhi al-aba. Ça, c'est très très grave. Al-aqida, laha masadir, des sources. Masdaran, deux sources. Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Tu ne peux pas, fait l'haqiqa, déduire fait l'aqida, ou faire du qiyas, ou on m'a dit, ou j'ai fait un rêve. Aksar ou ahlu al-dalal, ils se sont égarés fait bab l'aqida, les ma'adhal et anna, ils ne sont pas revenus au Qur'an et à Al-Sunnah. Imma, ils ont fait du qiyas, ils ont fait ressembler Allah à la créature. Imma, ils se sont basés sur des rêves. Iyadam billah. Imma, la logique. Ils ont essayé de faire du qiyas, des comparaisons avec la raison et la akhira, ils se sont égarés. Al-aqida, c'est un bab tawqifi mahd. Il n'y a pas de place pour notre avis personnel. Là, la raison, elle suit les textes. Qala Allah, qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point, al-taqlid al-a'ma. Haqiqa, ça ressemble au point précédent. Qala hafidahullah bi akhd aqwal an-nas fi al-aqida min ghayri ma'rifati daliliha. كما هو الواقع من الفرق المخالفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية وغيرهم. لماذا؟ لأن البعض ربما au départ ils veulent apprendre العقيدة لكن vu qu'ils n'ont pas de عناية بالدليل بالقرآن وبالسنة ils n'ont pas d'importance au texte et à la preuve, peut-être qu'il va prendre هذه العقيدة عند أشعري, ça va devenir un أشعري, ou plus grave عند رافضي. لماذا؟ لأن il suit aveuglément, il lui a dit telle chose, c'est qu'Allah, il le suit. Là, l'aqida, il faut un dalil. Ceux qui disent qu'Allah, il est partout, c'est quoi le dalil? Il n'y a aucun dalil. Les adillah, ils sont clairs. An Allah, subhanahu wa ta'ala, il est fils sama. Azza wa jal, il est au-dessus de son trône, subhanahu. Mais ceux qui suivent aveuglément, ils disent, le shir, l'imam, il a dit, Allah, il est partout. Et, khalas, pour eux, ça devient une aqida. Fal hadar mina at-taqlid. Que ça soit fait l'aqida ou autre, lakin fil aqida, c'est plus grave. Le quatrième point, al-ghulu fil awliya wa salihin, c'est lié au point précédent. Wa hada taqaddam ma'ana, le fait d'exagérer sur les pieux, هذا تقدم معنا في علم التوحيد كثيرا. Le cinquième point, الغفلة. الغفلة, ça peut t'éloigner de l'apprentissage de ta aqida. Et عياذا بالله, pousser l'insan à s'égarer via هذا الباب. الغفلة, être insouciant. عن تدبر آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية والانبهار بمعطيات الحضارة المادية حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحده. تأمل حال الكفار. لماذا؟ Ils ont plus d'عقيدة صحيحة. Ils ont une عقيدة لباطلة. حتى ils ont atteint un niveau, عياذا بالله, vu qu'ils ont délaissé التدبر في الآيات الكونية. الآيات الكونية c'est quoi? C'est tout ce que Allah il a créé. Les cieux, les étoiles, le soleil, il a créé. Man tadabbar, celui qui n'est pas fi ghafla. Ahyanan il voit le soleil, les étoiles, il voit min makhlouqat Allah il ajiba. Ça lui fait monter son iman. Et fil haqiqa, c'est une chose qui va le pousser à prendre sa aqida. Kadhalik al-ayat al-Qur'aniya, al-Shar'iya. Ayy al-Qur'an wa al-Sunnah. Tout ça, c'est des ayats, min ayat Allah Azza wa Jal. Vu que les Kavarais se sont écartés de ces deux ayats, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont, عياذا بالله, renié complètement le Créateur. عندهم, il n'y a plus de Créateur. بعضهم, ils appellent cela la nature, الطبيعة. Toutes les catastrophes, l'un pour eux, c'est des catastrophes naturelles. Ça, c'est باب الضلال. مثلاً, un tremblement de terre, c'est une ayat, min ayat Allah, كونية. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné que la terre elle bouge, l'akhir, les tremblements de terre. Si on ne fait pas attention via هذا الباب, les kuffars ils vont te faire croire ماذا, que c'est une catastrophe naturelle. هذا ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, catastrophe naturelle? Là c'est Allah subhanahu wa ta'ala, fil haqiqa, c'est un signe pour toi, fais attention. Allah subhanahu wa ta'ala il a châtié telle ville, tel pays avec ce tremblement de terre. Pourquoi? Shirkun wa bid'a. وَكُفْرُ وَضَلَالِ إِلَى آخِرِهِ. Allah il les a punis. Si anta, tu n'es pas firafla et tu médites, ça va renforcer ton iman. C'est ça l'aqida. Mahoum, qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire croire l'an, que c'est catastrophe naturelle? بَلْ أَحْيَانًا, c'est une aya min ayat Allah, min babi takhwif, pour nous faire peur, pour, c'est un rappel pour nous remettre en question. مَتَلًا الْكُسُوف وَالْخُسُوف, quand il y a une éclipse du soleil ou de la lune. À l'époque de Sahaba radiyallahu anhum, comme il y a des hadiths kathira, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils se précipitaient pour faire la salat. Et tu voyais sur leur visage la peur et la crainte. Et là, c'est pas quelque chose de normal. Mais eux, vu qu'ils ont été élevés à l'aqidah sahiha, ils ont profité de ces ayats. Ils faisaient salat al-kusuf, et istighfar, ils faisaient des efforts, et c'était un rappel pour eux. Mais maintenant, à notre époque, c'est quoi l'an? C'est devenu une attraction. Anahum, ils regardent cette éclipse et pour eux c'est un plaisir. Il a arrêté. Limada, Anahum, ils se sont écartés de ces ayats. Fal hadar, on fait attention. Si on s'écarte de cette aqida, petit à petit, tu verras un tremblement de terre, ça te fera plus rien. Une éclipse, ça te fera plus rien. Limada, li anna ghafla, l'insouciance. Kadhalik min asbab l'inhiraf. Huna, on peut citer mukhalatatu haula. Celui qui vit avec Ha'oula, avec le kafara. Fala se mélanger un qom qui ont une mauvaise aqida, qui combattent l'aqida, fala il sera touché directement ou indirectement, lui-même ou ses enfants, ses proches. Famin asbab al-inhiraf, fil aqida, c'est de se mélanger avec des personnes qui ont une mauvaise aqida, que ce soit des kuffars ou des innovateurs. Sixième point, qala, fi. الغالب أي أصبح البيت في الغالب خاليا من التوجيه السليم. Et ça c'est la responsabilité des parents. L'enfant depuis le plus jeune âge, il faut faire des efforts pour lui enseigner العقيدة الصحيحة. Et on a un exemple في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس احفظ الله يحفظك. Tout ça, c'est ta'lim al-aqida, ta'lim al-tawhid. Ihfad Allah yahfadka. Fais des efforts dans ton din. Fais les obligations. Écarte-toi des interdits. Il a akhiré. Allah, il te préservera. Ihfad Allah yahfadka. Ida sta'anta fista'im billah. Tawhid, aqida. Si tu demandes, demande à Allah. Le makhlouq, il peut rien te donner. Place ta confiance en Allah. Hadith ibn Abbas, il y a des fawaïd kathira. Amma, si البيوت كما قال الشيخ الفوزان في الغالب الآن أصبحت خاليا من التوجيه. يا بلوس التوجيهات. L'enfant c'est que jouer, que l'école. Il faut qu'il ait un métier, il faut qu'il ait un diplôme. Il va grandir هكذا. Avec cette maladie de dunya, tu trouveras هذا الولد quand il grandira, ça sera من أضعف خلق الله. Une petite chose pour son dîn, il ne pourra pas. إلا يشاء الله سبحانه وتعالى il le guide. وإلا va, on le voit الآن. Les jeunes qui ont été élevés هكذا, et les parents, ils ne leur montrent pas. لماذا ce parent ne montre pas? لأن lui-même, il ne connaît pas cette aqida. On doit faire des efforts nous-mêmes si on veut du bien pour les autres, nos enfants, nos parents, et on leur montre l'aqida al-azim. Il a cité le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Chaque enfant est à la fitra, à l'islam. Chaque enfant qui naît, il est prêt à accepter cette aqida. C'est pour ça que tu prends n'importe quel enfant. Arrivé, si on prend l'âge ou qu'il commence à comprendre, arrivé 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu lui dis Allah, il est fils Sama, il te dira jamais là. Tu lui diras, fais attention, si tu fais des mauvaises œuvres, il y a nar, il te dira jamais non. Ben, il va avoir peur de l'enfer. Tu lui montres le paradis, il va espérer. Chaque enfant. Allah Azza wa Jal, il a créé les enfants d'Adam. C'est quoi le problème? C'est les parents qui vont le rendre juif, qui vont le rendre chrétien, qui vont le rendre égaré. Parmi les trahisons que certains font à leurs enfants, tarkuhum 'inda a'da'illah wa 'inda a'da'i hadhi al-'aqida. Ta'lamuna an al-kuffar yadtasta hadhi al-'aqida. Pour eux c'est le wahhabiyya, pour eux c'est le salafisme, pour eux c'est du radicalisme, pour eux c'est contraire à leurs valeurs. Laissez nos enfants 'inda ha'ula qui détestent notre 'aqida et notre din, c'est min al-ghish. Wa'lam أن أعداء الله يسفون أن plaisir أخزاهم الله d'égarer nos enfants avec leur عقيدة. C'est حرب. Prends l'exemple, ils vont combattre ton enfant à l'école في أصل عقيدته. Si on prend qu'un exemple, il y a des centaines d'exemples. Lakin on va prendre qu'un exemple qui est répandu, ils vont combattre, ils combattront ton enfant في أصل عقيدته. La base de sa عقيدة, الإيمان بالله. عز وجل, ils vont le combattre في هذا. Maintenant, chaque musulman il a une croyance en Allah, il a créé l'être humain, il a créé. Et l'être humain, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, on doit l'adorer. C'est ça la base de l'aqida. Allah il nous a créé, on doit l'adorer. Et Allah c'est le créateur, il a des noms et des attributs, il a créé. Ils combattront nos enfants dans ce point, la première chose qu'ils diront à ton enfant, ils vont lui mettre des doutes, il n'a pas de créateur, fil haqiqa. Annahu il descend du singe. Andoro, comment ils vont harab cet enfant? Il descend du singe. Kadhalik, ils vont lui apprendre la théorie du Big Bang. An had al-alam, c'est venu tout seul. Une météorite à la Madri, qu'est-ce qu'ils disent? Et Mouhim, il y a eu cette création. Cet enfant s'est grandi, hakada. C'est très très grave. Mais cet enfant, dès le plus jeune âge, il a éduqué. Annahu, il a été créé. Annahu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des hukouk. Il aura des comptes à rendre. Et hakada, petit à petit, inshallah, il y aura un khair azim. Kadhalik, mina al-asbab, c'est le dernier qu'il a cité. Ihjam wa sa'il al-ta'lim wa al-i'lam fi ghalib al-alam islami an ada muhimmatiha. Naam, les médias dans les pays musulmans, fama balouk fi bilal al-kuffar, ils ne donnent pas d'importance à cette aqida. Même quand tu prends un média qui est spécialisé dans le din, الآن sur internet إلى آخره ولله الحمد أهل السنة السلفيون يدن de l'importance à هذا. لكن sur les autres groupes tu verras, même si لا شك البعض يزعم الدين إلى آخره, ça reste des musulmans, لكن à cause de leur ignorance ou leur égarement tu verras qu'ils ne parlent pas de عقيدة. Le bon comportement ليلا ونهارا, et ils pensent que c'est ça le din. Là, le bon comportement, même ça fait partie de notre din et c'est un point essentiel dans notre din. Lakin, si ce bon comportement il est accompagné de shirk, بعض المسلمين, ils égorgent pour les morts, ils sacrifient pour les morts. بعض المسلمين, tu le trouves, il a un bon comportement et lui-même peut-être qu'il va te conseiller dans les bons comportements, il va voir des sorciers, il a peur des djinns. بعضهم, ils ont un bon comportement, ثم il te dit, لكن, couper la main du voleur, là, c'est trop. Al-Hijab, la femme, elle se couvre tout le corps. Lakin, l'an, on est dans les années 2000 et la akhirah. Tout ça, c'est du kufr billah azza wa jal. Aïn al-adab ma'allah. Le bon comportement, c'est fondé sur l'aqidah sahiha. Falihada min a'azam asbab al-inhiraf à notre époque, c'est du'at al-dhalal. Ils ont égaré la jeunesse des musulmans. Et kadalik les parents et kadalik les vieilles personnes, on les entend là, fil khutbah. Tu peux, certains messages, tu peux rester un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, tu n'auras jamais une khutbah, un kalam sur l'aqidah ou le tawhid, l'akhirah, l'wala ou le bara, tu n'auras jamais. Que le bon comportement, le voisin, foulan. Ça c'est tayyib, lakin ce n'est pas la priorité. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait da'wah, il a commencé par le tawhid. Et celui qui a un tawhid qawi, iman qawi, son cœur, il sera prêt, il acceptera les bons comportements. لماذا لانه يخاف من الله celui qui a une mauvaise aqida والله كثير من هؤلاء sont على هذا الحال من اهل البدع والجهل et à chaque vous en connaissez un homme il faut apparaître le bon comportement il a akhiré quand c'est plus dans son intérêt il se transforme insulte énervement il a akhiré لماذا لان كثير من هؤلاء c'est pour les autres فقط بعضهم c'est pour les kuffar ils savent très bien que dinou l'islam il appelle à certaines choses ils peuvent pas لان les kuffar ils seront contre eux donc ils disent que les choses que les autres ils veulent entendre. Il faut respecter le voisin, il faut respecter ses parents, il faut la propreté, il a ça, ça fait partie de notre dîn, on le répète. Lakin, si ce n'est pas fondé sur un taqad sahih, wallahi, ba'd al-kuffar, ils ont un bon comportement. Ba'd al-kuffar, ils ont de la inaya avec la propreté. Ba'd al-kuffar, ils respectent leurs voisins. Al-fasl, baynana wa bayna al-kuffar, c'est ce mu'taqad. La Cheikh Fawzan, là, c'était ces points qu'on vient de résumer, et ces points, ils sont très très important. Thumma, il a conclu et on finit bihada, il a cité les points importants pour se corriger, pour apprendre cette aqida. Awwalan, qala hafidhahullah, al-inaya bi tadris al-aqida as-sahiha. Celui qui va apprendre sa aqida, il doit faire des efforts pour l'apprendre. Surtout à notre époque, walillahi alhamd, c'est facilité l'un. Les livres, tu as beaucoup de livres, des traductions pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, tu as des doros. Les savants, walillahi alhamd, ils sont présents. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts sur nous-mêmes et sur nos enfants. Une fois par jour, celui qui ne peut pas une fois tous les deux jours, celui qui ne peut pas une fois par semaine. Amma khalas, l'an, Ramadan, il est fini. Et plus de doros, plus d'ilm, plus de Coran, plus de jalassat. Là, c'est très très grave. Et c'est ça qui a affaibli notre umma. Wallahi, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les chrétiens. Haoula, c'est des kafara. Et c'est min adhaf khalqillah. Ils sont encore plus faibles que nous, en fait. Ce qui nous fait du mal, nous, c'est qu'on a délaissé l'essentiel. La source de notre force, c'est l'aqida. Enfin, on s'en est écarté. On a été touché par cette faiblesse. Deuxième point, قال أن تقرر دراسة الكتب السلفية الصافية. لماذا لأن البعض veut apprendre l'aqida, mais ils choisissent les mauvais livres. Emma, le livre, il n'est pas à son niveau, il n'arrive pas à comprendre. Emma, c'est un livre dégavé. كتب الأشاعرة كتب الصوفية كتب الرافضة on doit faire attention الأئمة ils ont écrit des كتب نافعة et ensemble on va étudier une رسالة إن شاء الله تعالى très très importante الاقتصاد في الاعتقاد de الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله l'auteur de عمدة الأحكام ce livre qui est connu chez la plupart de nos frères بعضهم il l'appelle عقيدة عبد الغني المقدسي أو بعضهم il appelle عقيدة والإمام المقدسي المهم cette رسالة d'un grand imam qui est reconnu par tous في الأمة ولله الحمد il a résumé cette عقيدة en quelques pages une dizaine de doros et inshallah ça sera fini et il a cité la plupart des points que chaque musulman il a besoin فالعناية بهذه الكتب كذلك الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك الطحاوية de الإمام الطحاوي tout ça c'est des livres que chaque muslim il a besoin parmi ces points قيام دعاة مصلحين ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité il a créé on doit faire des efforts pour faire parvenir هذا الخير aux autres on doit pas être égoïste nous on fait des efforts on a appris on a compris certaines choses et on montre pas à nos parents on montre pas à nos enfants on montre pas à nos frères et sœurs on fait pas de ta'wa هذا لا يصلح L'aqida se propage avec le da'wah. Ce n'est pas tout le monde qui peut assister au cours, prendre des livres. Ils n'ont pas ces automatismes. Ils sont occupés. Lakin avec le da'wah, fayahsul khayr. Lakin da'wah birifq, avec le bon comportement, et simplifier les choses au maximum. Et bien sûr, min a'zam al-asbab qu'il a cité Cheikh Al-Fawzan, ar-rujou' ila al-Qur'an wa al-Sunnah. Ça, c'est parmi les plus grandes causes. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadat. Ce premier dars, c'était ibara an muqaddima. Avant de commencer l'étude de ce livre, l'iqtisad fi l'i'tiqad. Et on citera, inshallah, dans le prochain dars, un aperçu sur ce livre, sur l'auteur. Thumma, on commencera ensemble. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-i'ana wa at-tawfiq wa sadat wa naktafi bihada. Et on passe à notre deuxième dars, bi'idhnillah.